Chapitre 18. Le jour vint, et l'ouragan passait sur l'île avec le ronflement de 1000 express en folie. Il ne hurlait plus, il ne criait plus, il ronflait avec un son caverneux et sourd. Tu aurais pu enlever ton chapeau, retirer ta veste, accrocher veste et chapeau à ma muraille, sans clous. Ils y seraient restés collés tant le vent soufflait. La petite voile palpitait toujours dans le même cercle. Cela faisait maintenant 36 heures qu'ils étaient dehors. La nuit vint, 5000 cannibales hennissants dansèrent autour de ma maison. De nouveau il fit jour et la tempête ronflait. La petite voile avait disparu. Je blêmis en la prenant. Mais juste comme nous étions tous dans le bar de Schickel à nous emballer, du hall, une miche de pain, une bouteille de gouttes, 2 jours sans sommeil et quel travail! La porte s'ouvrit et qu'est-ce qui entra? 3 spectres marins, 3 spectres avec des faces crieuses et des lèvres bleues, des cadavres qui avaient séjourné des jours dans l'eau glacée, avec des yeux vitreux, de rares cheveux collés et un sourire insensé de squelette. Eh bien, les voilà! Ce fut un silence complet. Mais alors les 3 spectres marins commencèrent à nous invectiver avec les expressions les plus grossières. « Vous nous auriez tranquillement laissé noyer, fils de chien !» Dieu merci, ils étaient vivants. Ils avaient risqué une tentative désespérée. Ils avaient gagné la pleine mer pour mourir ou pour faire le tour de l'île et se glisser n'importe où sous le vent. Ça leur avait réussi. « Oh, frangins ! » Et nous les embrassâmes, tous. Ils buvaient de l'eau-de-vie à la régalade et se gargarisaient avec la goutte. Un d'eux laissa tomber 3-4 verres, ses mains avaient perdu le sens du toucher, il riait comme un idiot. Alors entra un nouveau spectre marin. Mais celui-ci n'était pas blanc, au contraire, il était noir comme un nègre qui aurait perdu sa couleur par place, avec des yeux bordés de rouge. C'était Yann. Le petit capitaine parlait comme un tonneau, il avait une terrible toux caverneuse. « J'étais forcé de venir à terre, toussa-t-il. Je n'ai plus de cognac. Eh, patronne, vite! C'était un vrai enfer la nuit passée. Veux-tu venir à bord, eh? Ah, Yann, comme ton sourire était plein de sarcasme et de suffisance. 6 bouteilles de cognac, madame Schickel, ripostai-je. Un peu de fromage. As-tu du pain? En route, Yann. » Dans le port flottaient les débris de la Notre-Dame de l'île éventrée. À chaque vague, ils avançaient et reculaient. Le commissionnaire enchaîné s'était enfoncé quelques côtes. Il gisait, la poupe sur le fond, et roulait pesamment. Nous sautâmes dans la barque, Poupoule le premier. Le plaisir lui coupait la respiration sitôt qu'il pouvait sauter dans un bateau. Les avirons plongèrent et la barque sortit avec la lame refluente. Yann, la nuque inclinée, était assis à la barre et l'œil aux aguets. Il suivait les mouvements des lames comme un boxeur épisseux de son adversaire. Il criait des ordres aux matelots et il lui regardait la bouche avec une attention fébrile, car ici on ne pouvait pas comprendre un mot. Nous avions 500 mètres à ramer, mais il semblait que nous n'atteindrions jamais le travailleur. Maintes fois la barque était littéralement verticale. Le travailleur tirait sur les chaînes de ses 2 ancres. Il se cabrait et ruait comme un cheval. Tantôt son pont était au niveau de l'eau, tantôt il bondissait à la hauteur d'un étage, et le travailleur montrait son ventre rouge. Yann monta à bord le premier, puis je lui tendis Poupoule, qui frétillait d'impatience, et je suivis en dernier. Le travailleur était en pleine marche. Il courait en avant de toute la vitesse de ses 7 nœuds, et cependant il ne bougeait pas de place. Des maisons, des rues entières de masses d'eau frémissantes se jetaient à sa rencontre. La distance entre les rangées de lames atteignait 200 bons pas. De longues plaines bruissantes accouraient sur lui, des montagnes d'eau branlante en surgissaient. Le travailleur montait, grimpait, sautait, dévalait, et la prochaine plaine bruissante accourait. Le vent dispersait l'embrun de telle sorte que les lames avaient l'air parsemées de longs fils de laine. Elles étaient comme une chaîne de montagnes mouvantes, d'un vert noir, dans les canaux et les rigoles de laquelle la neige fondait. Elle glissait avec la rapidité de l'éclair le long des parois du vapeur, tournoyait furieusement et grimpait en grondant et chuintant sur le pont. Le travailleur ruisselait de haut en bas. Un paquet de mer balaya horizontalement le travailleur de la proue à la poupe et je reçus toute la charge en pleine figure. « En avant !» beugla Yann. Il me poussa dans l'écoutille. Il était impossible de se tenir droit une seule seconde dans la petite cabine malodorante. Elle était sombre et tournait comme le ventre d'un requin en pleine allure. Et il est connu que le requin se visse dans l'eau en spirale. Le hublot du côté du vent était boulonné et nous ne recevions un peu de lumière que lorsque la vitre d'en face se trouvait au-dessus de l'eau. Poupoule toussa un peu. « Eh bien, Poupoule, tu ne vas pas? Qu'est-ce qui te prend? Toi, un chien de navire ?» Non, Poupoule avait simplement toussé un peu pour s'amuser. Il se trouvait bien chez lui, ici, en bas. « Bois vite !» cria Yann en versant du cognac dans une gamelle de fer-blanc. Tout de suite, nous commençâmes à boire effroyablement. Ici, en bas, dans ce ventre de requin tournoyant, il n'y avait pas autre chose à faire. Ça ou rien. Alors, à votre santé, mesdames. Je passai sur le travailleur 2 jours et 2 nuits absolument inoubliables. À la marée montante, Yann releva son timonier. Il fallut monter. Aussitôt que nous tendîmes la tête hors de l'écoutille, le vent et l'eau nous balayèrent le visage comme une râpe. Puis, entre 2 paquets de mer, nous grimpâmes les 3 escaliers de fer de la passerelle et nous nous y attachâmes solidement. La tempête nous accueillit avec un grossier hurlement de triomphe, comme si jusque-là nous nous étions tenus cachés. L'embrun tambourinait sur nos vêtements cirés et sur nos surois solidement attachés, et des grottes entières d'eau s'écroulaient sur nous. L'eau sur la passerelle nous montait aux chevilles, mais comme nous étions nu-pieds, cela n'avait pas grand inconvénient. Elle ballottait de ci, de là, puis finalement dégringolait par l'escalier de fer comme une cascade. Par moments, des bombes éclataient sur le bateau, Emma, cheminée, tout disparaissait dans un nuage de mousse et de vapeur. Yann toussait terriblement et sacrait sans interruption. Il s'était cogné la bouche au sang contre le porte-voix et il était furieux. L'une après l'autre, il accablait chaque lame de malédiction comme un ennemi personnel. Chaque fois qu'une de ces mouvantes montagnes d'eau roulait vers nous, il criait dans le porte-voix « En arrière !» Et quand nous avions grimpé sur la montagne, « En avant !» pour compenser le choc de ces milliers de tonnes d'eau. Les chaînes des ancres se tendaient, grinçaient, ferraillaient, la proue s'enfonçait pour bondir aussitôt après de quelques étages. Souvent le vapeur se couchait si fort sur le côté que la passerelle était en pente roide comme le toit d'un pignon. La nuit, la mer était noire comme de la poix et les crêtes d'écume tourbillonnantes brillaient comme de la neige. Créache lançait à la ronde ses cônes de lumière et éclairait la mer aux rides sinistres. La vapeur de l'embrun étincelait et scintillait dans la lumière. Toutes les 7 secondes aussi, nous voyions le chameau galoper là-bas dans la baie. Le chameau était un rocher, haut comme une maison de 5 étages, mais l'eau passait par-dessus. Par moments, l'écume montait tout autour comme si le chameau venait de s'enfoncer dans la mer de toute sa hauteur. Vers 3 heures du matin, nous eûmes un accident. La pointe du mât de misaine culbuta par-dessus bord avec notre jolie lanterne. Yann poussa un des jurons les plus longs et les plus épouvantables que jamais langue humaine ait mis sur pied. Certainement, il se serait jeté à la mer après le mât s'il n'avait pas été attaché. « Voici la chose !» me cria Yann dans l'oreille, en tournant la poupe à une lame qui arrivait de biais avec ses pattes blanches au lever et gagnait de vitesse toutes les autres. Les ancres avaient mordu ferme, mais le diable seul sait si les chaînes peuvent encore résister longtemps. « Alors, bonne nuit, en 5 minutes, nous sommes dans les rochers. Attention, ô monstre velu, que tous les diables puants de l'enfer te... » En arrière, une énorme masse d'eau passa par-dessus bord, et le vapeur s'enfonça si profondément que cela dura une éternité avant qu'il parvint, à force d'efforts, à remonter. De temps à autre, j'entreprenais une petite expédition à la chambre des machines. Je descendais à croupetons l'escalier du pont, attendant le moment où je pourrais saisir la poignée la plus proche sans être balayé par-dessus bord, et je rampais à l'abri du vent le long de la chambre des chaudières. Où le vent trouvait une fente, il soufflait si furieusement que je sentais la chair se déplacer sur mes os et s'en détacher. Ah ah, ils étaient là, noirs comme des morts. C'était là-dessous qu'ils trimaient. Je frappais à l'écoutille verrouillée, ils levaient les yeux, ricanaient, et le mécanicien ouvrait. Je me laissais glisser par l'échelle de fer. Qu'il faisait chaud ici. Vous êtes bien ici, vous autres scélérats. pourquoi ne nous as-tu pas apporté à boire ? Oui, comment pouvais-je aussi oser venir sans cognac, vers ces diables de suie dont les gosiers étaient en feu ? Tout de suite ! De nouveau, je rampais hors de l'écoutille, je faisais l'expédition de la cabine, aller et retour, et de nouveau j'étais là. Le chauffeur fit couler de l'eau bouillante dans une casserole et confectionna un grand pot de grog. Ici, en bas, cela sentait l'huile chaude et le chiffon de laine. La pelle raclait et la gueule du foyer crachait des tisons. Il y avait des escarbilles incandescentes qui avaient pris mes pieds nus comme point de mire. La tempête vacarmait dans le lointain. Ici, on se sentait bien, à l'abri, comme dans un salon élégant quand il grêle dehors. Le vent cornait et sifflait par le porte-voix, d'où sortaient avec une vibration monotone les commandements de Yann. « En route, doucement, en arrière !» Le mécanicien avait la main sur le levier, la machine tic-taquait et elle frémissait du haut en bas quand l'hélice se trouvait au-dessus de l'eau. « Aou, aou, aou, en route !» toussait Yann. Le petit capitaine s'est un peu enrhumé. Les gens aimaient Yann et s'en remettaient à lui. Si parfois il leur tombait dessus à coups de poing, il avait par contre ses bons côtés, hors de doute. Et puis, il connaissait son affaire. En bas, les gars menaient une vie à part. Ceux qui étaient en haut ne les regardaient pas. Oh oui, aujourd'hui, il y avait de la besogne. Mais cela ne les empêchait pas de s'entretenir en toute cordialité des bêtises qu'ils avaient faites à Brest avec une grosse servante d'auberge. Ah ah ah ! Le porte-voix vibrait et le vapeur était projeté en l'air. Un paquet de mer l'ébranlait et il s'enfonçait. Où cela finirait-il ? Un moment, il restait tranquille, puis il se penchait en frémissant sur le côté, si bien que le plancher était presque vertical et qu'il fallait se cramponner des pieds et des mains. Nous ne disions pas un mot. Le mécanicien était jaune cire sous sa couche de suie. Si maintenant le petit capitaine ne donne pas bientôt un ordre, c'est qu'il est passé par-dessus bord, dit-il. Et il ouvrit la bouche et les yeux, aux aguets. « En route, nom d'un chien !» tonitrua le porte-voix. Chapitre 19. Sitôt que Yann fut relevé, il devint un simple particulier et fit comme si toute cette carcasse de vapeur ne le regardait plus. Nous soupâmes, Yann découpait dans la miche et dans le fromage d'énormes gradins et il se bourrait la bouche à deux mains. Tandis qu'il mâchait encore de la joue droite, il buvait déjà de la gauche, à même la bouteille. Il ne perdait pas une minute, toujours il travaillait à pleine vitesse. « Mange et bois » criait-il par moments. Pauvre Yann, il avait complètement perdu la voix. Il se nettoyait encore les dents avec la langue, que déjà il débouchait une nouvelle bouteille. Puis il prit un cigare dans le tiroir, se renversa en arrière et fit quelques aspirations profondes. Il rit. « Ah ah ! À la tienne, capitaine ! Ah ah ! » Yann frétillait de bonne humeur et de plaisir, il laissa filer un vent, puis il éclata d'un rire bruyant coupé de tout, il se mit à fumer. Il ne faudrait pas croire que Yann fumait un cigare comme cela, sans façon. Yann ne faisait rien sans façon. Il taillait une encoche dans le cigare à proximité de la pointe, et c'était là qu'il l'allumait. « Regarde, ah, tu vas écarquiller les yeux, ça fait, ah ah ah, ça fait un moine !» Après quelques bouffées, l'encoche rougissait, et par Dieu, c'était un moine dans son froc, avec un visage replet et rubicon, et par-dessus le marché, il lui poussait aussi des cheveux gris. Yann considérait le moine avec des yeux énamourés. « Ah ah ah, le vois-tu ? Un père, un franciscain, un bénédictin, un capucin !» Il eut un rire de triomphe. Jusqu'au prochain quart, nous restâmes 4 bonnes heures, et nous bavardâmes un brin. Nous avions mangé et bu autant qu'il était nécessaire, et maintenant nous buvions pour le plaisir, nous buvions du cognac pur dans une gamelle en fer blanc, et la main dans la main, nous grimpions un à un les échelons de l'ivresse. Le travailleur trépignait et frémissait et craquait de toutes ses jointures, comme s'il allait s'écarteler. Les paquets de mer claquaient sur le pont au-dessus de nos têtes, et notre petite lampe à pétrole se balançait en rond, en grinçant, et fumait. Le visage de Yann était tout entier dans l'obscurité, et dans ce visage sombre, ses yeux bleus d'eau luisaient clairs, presque blancs. Le moine incandescent empestait comme s'il avait eu dans le corps des poils et des copeaux de corne. La conversation commença. Nous ne pouvions jamais parler 5 minutes sans nous prendre aux cheveux. Nous reposions bien à l'aise sur les couchettes en fumant, mais tout de suite, nous bondissions sur nos pieds pour nous engueuler. Par exemple, le second mécanicien de Yann était poitrinaire, et Yann lui avait donné le conseil de respirer la chaleur ardente du foyer pour tuer les bacilles. Je trouvais cette conception fausse, un pur contresens. La thérapeutique moderne dénonce la grande chaleur comme un poison, carrément, Yann. Yann me couvrait d'un rire mordant et sarcastique. Et on envoie les malades en Égypte, ha ha, à cause de la sécheresse de l'air. Eh bien, mon cher monsieur le docteur, est-ce que l'air d'un foyer de chauffe n'est pas un peu sec? Tu n'es qu'un veau de 20 000 tonneaux, Yann. Ah ah, alors, c'est l'air froid qui guérit, voyez-moi ça. Il contient moins de bacilles, oui. Bien, pourquoi n'envoie-t-on pas les malades au pôle Nord? As-tu déjà entendu dire, mon très cher ami, qu'on avait envoyé un poitrinaire au pôle Nord? Oui. Du reste, mon frère, un célèbre spécialiste de Nice, « Tais-toi, tais-toi, braillai-je. Je parlerai aussi longtemps que je voudrais, » criait Yann. Non, il n'y avait pas à lutter contre les 25 frères et les 50 cousins de Yann. Ils étaient dispersés par tout le globe. On pouvait parler de machines, d'astronomie, de fabrication d'allumettes, peu importe. Yann avait toujours un frère qui était de la partie et lui avait transmis tout chaud les derniers perfectionnements. « Yann, Yann, on ne peut pas discuter avec toi. » Mais toujours, Yann vous arrachait le fanion et le brandissait triomphalement. Puis, il grimpa l'échelon suivant sur lequel commençaient les devinettes et les tours de passe-passe. Yann jetait sur la table une douzaine d'allumettes, et maintenant arrange-les de manière que « Va-t'en au diable, Yann !» Mais Yann arrangeait les allumettes comme il convenait, et il riait. Il voulait seulement me prouver que je ne savais rien. Rien, et que je ne connaissais rien, rien de rien. Veux-tu que je te découpe un éventail dans un morceau de bois? Non, mais j'étais tout de même intriguée de savoir comment il s'y prendrait. Tu vas voir, on fait ça sur les voiliers. Yann se leva et fit une rapide inspection. Il enleva une moulure de l'armoire aux cartes et se mit immédiatement au travail. Une d'eux, les copeaux volaient. Il était assis sur la couchette, les genoux remontés, et il maniait son couteau avec dextérité, bien qu'il dansât continuellement, tantôt en haut, tantôt en bas. Par moments, il calait son genou contre la table pour ne pas être précipité par-dessus et sur moi. D'abord, il tailla une baguette, qu'il encocha à différents endroits. Cela représentait les ornementations de la poignée et des branches. Puis, il la fendit du haut en bas en lames minces jusqu'à la poignée. Et avec précaution, il tourna ses lames en dehors. « Voilà, 5 minutes et c'est fait. Ha ha !» Il s'éventait avec coquetterie. « La prochaine fois, je te découperai un trois-mâts dans une bouteille de cognac. Dieu m'en préserve. Gréement complet, mon cher. » Là-dessus, Yann présenta un de ses tours favoris. Il prit le couteau, un instrument émoussé et sale avec lequel il saignait les poissons et les rats, l'appuya sur son pouce et coupa. Le sang jaillit, Yann mit le pouce dans sa bouche, le massa, on ne pouvait plus rien voir. Oh oh, je m'approchais. Tu es un monteur de coups, Yann. On ne voyait pas bien, il y avait trop de fumée. Yann répéta triomphalement l'expérience en me présentant chaque phase avec insistance. Avec son couteau, il creusait maintenant tout autour de son ongle un fossé qui se remplissait lentement de sang noir. Il léchait, pressait, disparut. « Tu es un bougre !» Mais Yann me regardait avec un rire plein de sous-entendus. « Et toi, qu'est-ce que tu sais faire ?»« Rien ?»« Non, vraiment, je ne savais rien faire. Je savais faire sauter un cordon en contractant mon biceps, siffler à deux voix, cracher à l'américaine, jouer sur la flûte 2 ou 3 airs antédiluviens et un trille, des tours vraiment méprisables. » Alors Yann avala une énorme gorgée et se jeta sur la couchette, le cigare à la bouche. « On n'est pas malheureux maintenant. On est arrivé à une position, commença-t-il avec satisfaction. » Il disparut dans un nuage de fumée. « On est capitaine, on a ses 120 francs par mois, on a son vin, son cigare et une couchette pour dormir. Que veux-tu de plus ? Le plus dur est passé. Ah, le plus terrible, sais-tu ce qui est le plus terrible ? Tu mettrais 10 000 francs là, sur la table? Non, jamais. J'ai fait 2 campagnes. C'est une vie de chien, une vie de cochon. Qu'est-ce que tu radotes? Idiot, tu n'entends peut-être pas? Je parle de Saint-Pierre, que diable! 50 000 morues, 80 000 dans une campagne. Eh, mon cher, le bateau est rempli de sel du haut en bas, et le travail commence. des poissons, rien que des poissons. Tu dors, tu es éreinté, pique, pique, debout, le poisson est là. Tu passes tes chausses. » Ici, Yann faisait le geste de passer son pantalon et de frotter ses yeux lourds de sommeil. « Dehors, dans le froid, brrr, tu flageoles au petit bonheur, tu tends ta ligne et tu la tires tout en dormant. » Yann tendait la ligne, la tirait tout en dormant. Tout d'un coup, tch, une baleine arrive et chasse le poisson. Tu vas te coucher. Pique, pique, oh, va-t'en au diable. Tu es là, jour et nuit, dans la brume, dans la tempête, dans la neige, et tu pêches. Ou bien tu coupes les têtes, 1000 têtes dans une journée, 2000. Sur la table est planté un grand clou, tu y accroches ton poisson, et une, deux, tu tranches la tête. Tu arraches le foie dans le tonneau, les tripailles, tu les jettes à la mer. À droite et à gauche du bateau sautille un requin qui happe et dévore tout, car le requin n'est pas autre chose qu'un cochon. Oh, quelle puanteur effroyable! Le foie sent, les poissons en peste. Tout le bateau pue le poisson pourri du haut en bas. Mon cher, à la tienne, ça te dégoûte? Et tu aurais surtout envie de passer par-dessus bord. J'ai vu des gaillards robustes pleurer à force de tristesse. Hé hé, mais c'est tout de même amusant. Là-bas, il y a des choses extraordinaires. Par exemple, le Saint-Pierre. Il est haut comme un homme et plat comme une assiette. Il a une figure et un nez comme un petit juif momifié, un profil de juif. Il joue de l'éventail avec les flancs. Tiens, regarde, voilà comme il nage. Devant son nez de juif nage un petit poisson. C'est son pilote. Car le Saint-Pierre est d'une bêtise énorme et moitié aveugle. Il te fait crever de rire. Comme un gros banquier qui est faible sur ses jambes, il se fait montrer toutes les curiosités par son guide. Et puis, quand il a mangé tout son sou, il se fait lourd et se laisse tomber au fond de la mer. Là, il reste couché sur le sable, plat comme un journal, et il dort et il digère. Et puis, il y a les espadons, qui ne peuvent absolument pas sentir la baleine. Aussitôt qu'une de ces pompes à vapeur arrive à toute allure, mon espadon bondit en l'air, à plusieurs mètres de hauteur, et enfonce son épée dans la panse de la baleine. En bas avec ça. Oui, par le diable, c'est un monde charmant que le bon Dieu a créé là. Oh, oh, oh, comment a-t-il bien pu imaginer toutes ces stupidités? Et puis, tu peux aussi t'amuser avec le requin. Tu largues un cordage, jvoup, il le rogne comme un cigare. Nous avons aussi de temps en temps pris un requin pour la rigolade. Dieu de Dieu, comme il pue, et prends garde de ne pas l'approcher de trop près, après des heures. Le cochon est chargé d'électricité, il te flanque une secousse que tu en perds la vue et l'entendement. Hé, débouche une autre bouteille, il faut boire, c'est une mer ignoble aujourd'hui. Sur les bancs, tu n'as rien à bouffer, ça te soulève le cœur. Des patates et des pois secs, le dimanche un bout de lard, minuscule, et un verre de vin. On tire le lard au sort, comme les gages aux jeux innocents. Pour qui ce morceau? Sans ça, ce serait des disputes, car tous sont enragés de faim comme des loups. On se hait aussi. Après une couple de mois, on hait son meilleur ami. Au toit de mon chemin, chien-lit. Ah, quelle vie! Pendant toute la campagne, personne ne se lave plus. Pourquoi faire? Est-ce qu'il vient des belles filles à bord? Mais avant de rentrer, on va à Saint-Pierre pour faire ses emplettes. Tout le monde descend à terre et tout le monde se lave. Des figures toutes neuves. Un nouvel équipage. Eh, bonjour, messieurs. Mais il y en a beaucoup qui ne reviennent pas, mon ami. Ça ne rapporte pas de rentrer à la maison les pieds devant. Il ne faut pas que tu oublies les tempêtes et les icebergs. Tout d'un coup, ils surgissent devant toi. Ils vont t'écraser. Ils ne te voient pas du tout. Et les grands paquebots dans la brume. C'est lorsqu'il s'agit de tourner la sirène. Tout, tout, des jours entiers. On les entend déjà à des milles de distance. Ils grognent comme des ours qui ont faim. Ils avancent de plus en plus près. Tu es couché dans ton hamac. Tu t'éveilles, tu écoutes et tes cheveux se dressent. Tout le monde se précipite sur le pont. « Patron, un vapeur vient sur nous !» Que dois-tu faire? Si maintenant il ne t'entend pas, pas de vent, où aller? Et d'où vient-il? Eh, le voilà tout près. Il n'est pas à 200 pas. Maintenant, tu ne vas plus l'entendre, mais le voir si le malheur le veut. Tu restes là, à attendre, et tes dents claquent d'angoisse. Vrai Dieu! Les cheveux de Yann se dressaient rien qu'au souvenir. Puis, il corne plus loin. Il est passé. Tu t'en tires encore une fois, sain et sauf. Chaque année, il y a une demi-douzaine de bateaux de coupés en deux. Ça fait un petit crac. Et il est loin. Il ne revient pas, Yann? Yann se mit à rire. Il y regardera à deux fois. Il lui faut un quart d'heure avant de pouvoir revenir. Et où es-tu alors? Il trouvera peut-être une île de morue salée, c'est tout. Mais maintenant, disons, tu reviens. L'armateur te donne tes gages, 600 ou 800 francs, et avec ça, il te fait cadeau de 2 morues. Bon, tu commences par te saouler. Et puis après, tu dors n'importe où, derrière une haie, l'argent dans ta main crispée. C'est le plus sûr. L'argent, tu le portes à ta mère. Elle te donne 10 francs pour que tu puisses t'offrir une journée de plaisir. Elle te fait beau et tu te balades dans le village avec ta petite canne de bambou et tu te fais admirer. Oui, me revoilà. Si tu n'as pas de mère, tu vas tout de suite chez les filles. Là, tu t'installes comme chez toi, tu manges, tu bois, tu te fais du bon sang avec toute la maisonnée, depuis la patronne jusqu'à la bonne. Elles te prennent tout ce que tu as et elles te jettent à la rue. Te revoilà gros gens comme devant. Tu vas t'engager et quelques jours plus tard, tu es retombé aux pois secs et aux patates. Mais c'était chic. Et tous les autres, pareillement, te racontent comme c'était chic. Ils chantent, et tu chantes avec eux, et tu te sens en sûreté. Tu es de nouveau sur la mer, où tu es à ta place. Tout d'un coup, Yann ronfla. Il pouvait s'endormir et se réveiller à tout moment, et peu lui importait dans quelle position il dormait, s'il était assis sur une pierre ou étendu sur le sol, le visage sur ses mains. J'étais assis sur la couchette, les genoux remontés, et je fumais. Par moments, j'avais des vertiges passagers, ce n'était plus amusant. Le vapeur roulait terriblement. Quand les chaînes des ancres se tendaient, des chocs énormes l'ébranlaient par saccades, et tout craquait et gémissait. Le bateau frémissait du battement de la machine, et lorsque l'hélice tournait à vide, ses flancs tremblaient. Là-haut, la tempête triait dans les cordages, les paquets de mer claquaient, et l'eau dégouttait et ruisselait par les coutils. Tout contre mon oreille, les masses d'eau heurtaient la paroi comme un bélier, 2 doigts d'épaisseur et derrière, c'était la mer. Par le hublot, je la voyais charger le travailleur avec des haches affilées et des glaives luisants et dentelés. Le verre était d'un noir de poids. Nous étions sous l'eau. Un paquet de gros yeux écarquillés pendait à la vitre. Un visage blanc et lépreux guignait à l'intérieur. Je voyais la lumière du phare et les crêtes d'écume. Nous étions remontés. Poupoule me lécha les mains et frétilla de la queue. Il se réjouissait. Il croyait que nous étions en pleine mer et que demain il irait sur le pont aboyer après les poissons volants. Je fis un bout de causette avec lui. Alors Yann s'éveilla. « Ah ah ! Et maintenant tu es ici. Tu es capitaine, » dit-il, continuant la conversation. « Et tu as dans ta poche une montre en argent de 30 francs. As-tu tout vidé ? En route. » Il avait perdu 10 minutes, il fallait les rattraper. Du reste, il avait raison, il fallait boire. Si on se relâchait, ne fût-ce qu'un instant, on avait le mal de mer à en crever. Yann tira d'un coffret sa célèbre essence de citron, qu'il versa goutte à goutte dans le cognac. Il appelait punch, cette mixture. Ce punch était d'un effet irrésistible, et c'était précisément l'intention de Yann. En effet, une goutte de cet élixir suffisait à transformer 1 litre d'eau en une forte limonade au citron. L'essence provenait d'un naufrage et était destinée, d'après mon avis, à la fabrication de parfums et de savons. Encore une fois, nous nous lançâmes dans une discussion, nous nous échauffions et nous parlions haut, et nous ne traitions en général que des sujets auxquels aucun de nous n'entendait rien. Mais n'était-ce pas un peu pour nous faire illusion, Yann ? Ne parlions-nous pas ainsi à perdre haleine pour cacher l'angoisse qui, tout au fond, rongeait notre cœur ? N'avions-nous pas constamment, en discourant et en jouant l'insouciance, cette unique pensée, si les chaînes cassaient ? Alors, nous nous mîmes à mentir effroyablement. Sur ce terrain aussi, Yann était imbattable. Il débuta par un rush. Il avait maintenant atteint l'échelon où il se servait de locutions choisies, savantes, contournées. C'est tout à fait approprié aux circonstances, ce n'est pas d'une importance capitale, primo, secondo. Il raconta l'histoire horrifiante du Pacifique. Un trois-mâts sans gouvernail, sans mât, sans voile, sans vent et sans nourriture. Ils avaient tiré au sort et dévoré d'abord le timonier, puis le mousse de la cuisine, puis Yann avait les larmes aux yeux, tandis que je m'étouffais de rire. Comme je ne trouvais pas aussitôt un mensonge géant avec lequel j'eusse pu le clouer, Yann ajouta une histoire de pirate chinois à qui il avait tranché la tête dans les Moluques. Oh la natte, whoop, à la mer, « Olanat, whoop !» Yann était assis et tranchait des têtes. « Ah ah ah, Yann, tu es tombé bien bas. L'autre fois, c'était ton oncle, le capitaine de corvette, qui tranchait les têtes. Et aujourd'hui, tu décapites de ta propre main. » Même le vapeur en riait. Il bondissait de plaisir et le vent aussi criait de rire. « Ah ah !»« Ah, dis-je, puisque tu racontes une histoire de Chinois, justement, je naviguais une fois dans la mer du Japon, et nous avions deux boys chinois, Han et Lehman. C'était des costauds, ceux-là. Nous traversâmes un typhon, et les boys marchaient littéralement au plafond en servant le dîner, sans verser une goutte. Au plafond ! Menteur ! Cria Yann. Je me mis à rire. Voilà ce qui était vrai. Hé hé hé ! Riait Yann, furieux. Il était battu. Je lui avais raconté quelque chose d'incroyable. Ah ah ah ! Je riais, hors de moi, de plaisir. Tout à coup, Yann se glissa à l'échelon supérieur, et sur cet échelon, les événements tristes de sa vie avaient coutume de le rattraper. Il me raconta une fois de plus cette histoire de la Charlotte, qui lui avait valu 4 mois de prison. Toute l'injustice du monde s'était liguée contre lui pour l'anéantir. La Charlotte était un vapeur, qui s'était échoué devant Créache. Yann sortit avec le travailleur, pour jeter un coup d'œil sur la Charlotte qui avait été abandonnée par son équipage. Quand ses matelots virent ce beau navire, ils devinrent fous. Ils brisèrent tout en miettes et pillèrent le vapeur du haut en bas. Ils dévissèrent même les garnitures de cuivre. Yann protesta, sacra, en vain. Yann avait bon cœur, trop bon cœur. Il ne fit pas de rapport. Mais 6 mois plus tard, ayant débarqué un matelot insubordonné, ce coquin le dénonça et prétendit que Yann avait volé tous les instruments du bord et une théière avec des incrustations d'or. Ces chiens de matelot jurèrent autant de faux serments qu'il était nécessaire pour tordre le cou à Yann. Congédiement et 4 mois de prison. Ah, Yann riait en trille sarcastique. « Moi, un voleur ? Moi ?» Il s'arracha les cheveux et fondit en larmes. « Un voleur ! Moi, un voleur ! Ma pauvre mère !» Sa mère revenait soudain à la vie. Ici, je sortis la tête de ma coquille. En effet, depuis quelque temps, il me semblait que je naviguais dans une coquille magique, une coquille effilée. Et je dis, « Mais tu es complètement sous, Yann. Yann, aux bons yeux bleus fidèles. Yann, au cœur d'enfant. Un voleur. Oh, que c'était ridicule, que c'était absurde. À toute vapeur. » Je descendis en tourbillon. Mais l'âne de Yann était bouleversé jusque dans ses profondeurs. « Cette allégation est une infâme calomnie, indigne d'un gentleman, » dit-il, les yeux baignés d'un éclat humide, dans le plus pur français, comme on ne l'entend qu'à la Sorbonne. Yann pouvait avaler des crevettes et des araignées vivantes, mais 4 mois de prison, ça lui chatouillait la gorge un peu fort. Il courut de Ponce à Pilate, et le ministre en personne daigna lui accorder une audience. Il regarda Yann dans les yeux, dans ses yeux rayonnants d'enfant, et Yann fut gracié, sa peine commuée en amende. Non, Yann n'était pas un voleur. Il se réjouit de cette justification, glorifia l'équité du ministre et jura vengeance. Oh, bonté divine, comme il allait se venger. J'entendais à peine ce qu'il disait, car je survolais dans ma coquille magique les continents et les mers. Ah, ceci sous moi c'était Kyoto, où il célébrait justement la fête du fleuve, un fourmillement de lanternes de papier, le miaulement des danseuses, plus loin. Tout à coup, j'entendis que Yann parlait de Rose Eyre. Il était assis là et divaguait. Ah, comme elle était jolie quand les rubans de sa coiffe blanche flottaient au vent, quand elle riait et que ses dents blanches étincelaient. C'était une petite chatte sauvage. J'ai travaillé et turbiné. Mes mains sont dures comme du bois, mes doigts sont déformés. Maintenant, je veux avoir la paix, un foyer, des petits-enfants. Oh, une jolie petite maison. Malheur à qui touchera Rose Eyre. Entends-tu ? Oui, j'entendais. C'est la guerre, pensais-je, Yann. Aujourd'hui, je t'enlève ta bonne amie, demain, tu me raviras la mienne. De nos jours encore, les femmes veulent être enlevées, les traités n'y peuvent rien. Tu entends, Yann ? Tu as donné à Rose Eyre des bagues et un fichu. Pourquoi as-tu fait cela ? Et, dis-moi la vérité, a-t-elle été chez toi ? Ah ah ah, Yann, Yann, comme tu es ennuyeux, dis-je. Et je saluai en bas, sous moi, car juste en ce moment je dépassais sur l'océan Pacifique un vapeur, un de ces sveltes vapeurs blancs de 7000 tonnes de la Toyo Kisen Kaisha, avec un éventail dans son pavillon. Les Chinois servaient le thé sur le pont et les dames faisaient des saluts avec leurs mouchoirs. Yann se leva. « Tu es mon ami, dit-il. Je donnerai ma vie pour toi. Mais si je découvre, tu m'entends ?» Il grinçait des dents. « Ah ah ah, Yann, tu devrais avoir honte d'être aussi saoul. Oh, comme tu as l'air, tu as une tête comme un ballon, aussi grosse. Oh, Yann, ah ah ah !» À ce moment, le travailleur se cabra et les chaînes des ancres craquèrent. Le vapeur se secoua comme un poisson à l'hameçon, puis il se mit à osciller en décrivant un vaste arc de cercle. Yann s'était cramponné à la table. « Nous nous disputons pour une femme, et pendant ce temps-là, » murmura-t-il effrayé, il prêta l'oreille. « Les chaînes sont cassées, le vapeur dérive, » cria-t-il. Il grimpa l'escalier 4 à 4. Mais justement, je survolais Honolulu, juste au-dessus du cratère de Halewaoo, demeure du feu éternel. Les Noirs se laissaient dériver sur des planches dans le ressac et criaient « Gee !» Non, le vapeur ne dérivait pas. Il oscillait. Il n'y avait qu'une chaîne de cassée. Je me retirai dans ma coquille et je m'endormis. Nous ne nous séparâmes pas en très bonne intelligence, Yann et moi. Jean-Marie lui avait rapporté l'histoire de la voile et dans son ivresse, Yann ne put se tenir de jouer cet atout contre moi. « Jean-Marie est un vieil idiot, » dis-je. « Dieu sait ce qui se passe dans son crâne vermoulu !» Mais malgré cela, nous ne nous quittâmes pas bons amis. Yann parlait même de me faire jeter par-dessus bord. « Yann, mon cher ami, Yann, cette âme d'enfant, toute cette boisson l'avait rendu fou, et ses yeux étaient injectés de sang et louchaient un brin. Aussi, je préférais prendre congé volontairement. » Yann se tenait en haut du gaillard d'avant et bondissait à la hauteur de plusieurs étages, tout en répétant sans arrêt, avec un sourire sarcastique, « Au revoir et merci, merci !» Des semaines après, je riais encore en pensant comme il voltigeait de bas en haut et de haut en bas, en disant sarcastiquement « Au revoir et merci, merci !»